Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Dans le dars précédent, on a fini, walillahi alhamd, la lecture de l'introduction. Et à partir d'aujourd'hui, donc, on commence le premier chapitre. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب. Ce premier chapitre, الإمام أبو حاتم رحمه الله, donc il a cité الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب. Dans ce chapitre, donc il a défini العقل. Et c'est quoi المراد بالعقل dans ce livre. Et كذلك il a cité صفة العاقل, et les caractéristiques du عاقل. Ce mot, comme on l'a déjà cité dans le dars précédent, فيما أذكر, أي العاقل والعقل. Enfin, ce mot العاقل, c'est le singulier de العقلاء. Et ça يأتي معنا كثيرا dans ce livre. L'imam Ibn Hibban, il l'a cité كثيرا dans ce livre. Et on ne le traduira pas à chaque fois. C'est pour ça que ce chapitre, il est très important. Et c'est quoi l'aql? Et les attributs du aql, et celui qui a l'aql. L'aql, c'est le doué de raison. Lakin, on verra. هنا, المعنى, il est أوسع. C'est pour ça que comprendre ce chapitre, c'est important. Hatta, au fur et à mesure des cours, on n'a plus besoin d'expliquer c'est quoi l'aql et c'est quoi le murad. Et qu'est-ce que l'auteur il voulait par ce mot, le sens qu'il visait. Et ce premier chapitre, il est muhim. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن يوسف بن مطر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن الشبوية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا فضيل بن عياض عن محمد بن الثور عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. هذا الحديث أخرجه الإمام الطبراني دوتر الحاكم كذلك dans المستدرك والبيهقي. الشيخ الألباني رحمه الله إلا cité dans الصحيحة إلا حسن. فهذا الحديث إلى حسن. إن الله يحب مكارم الأخلاق. الله سبحانه وتعالى إلى مكارم الأخلاق. Les comportements nobles, les bons comportements. Wa yakrah, et il déteste, azza wa jal, safsafaha. Safsafaha, qala fil hashiya, ay daniyuha wa khassisuha. Hadhihi nuskha, ana j'ai hashiyat wa ta'liq al-allama Muhammad Hamid al-Fiqi, rahimahullahu ta'ala. Un grand savant égyptien qui est mort il y a quelques années, et il a haqqaq ce livre et il a expliqué certains mots dans les notes de bas de page. Donc, safsafaha ay les mauvais comportements. Hada, ça nous montre, comme on l'a vu dans l'introduction, anna les comportements, ils sont de deux catégories. Les bons comportements, makarim al-akhlaq, et les mauvais comportements. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime makarim al-akhlaq et il déteste les mauvais comportements. Qala Abu Hatim rahimahullah. Abu Hatim, c'est l'auteur, l'imam Ibn Hibban. قال لست أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صحيحا في العقل. هذا تستفيد منه أن الإمام ابن حبان رحمة الله عليه, vu que pour lui il n'y a pas de hadith authentique sur العقل, sur les mérites de la raison, فرحمة الله عليه il a cité ce hadith à la place. وهو كما قال, أي le fait qu'il n'y a pas de hadith de khabar sahih concernant al-aql, la raison, هذا نعم, c'est كما قال l'imam Ibn Hibban, il n'y a pas de hadith authentique في هذا الباب. Et l'imam Ibn Qayyim رحمه الله في المنار المنيف, dans un livre qu'il a écrit sur les hadiths faibles, il a cité أن il n'y avait pas de hadith authentique concernant al-aql. فلهذا il a cité à la place هذا الحديث. إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. Ça c'est une إشارة de la part de l'imam Ibn Hibban رحمه الله أن المراد بالعقل هنا son livre c'est sur les bons comportements أي les comportements du عاقل أي العاقل c'est celui qui a un bon comportement et qui s'écarte des mauvais comportements et dans ce chapitre qu'on va lire aujourd'hui ensemble ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد الإمام ابن حبان رحمه الله il a cité beaucoup de caractéristiques de هذا العاقل فقال رحمه الله وإن محبة المرء المكارم من الأخلاق وكراهية سفسافها أو سفسافها هو نفس العقل. Donc le lien entre le chapitre et le hadith. À chaque fois, rahmatullah alayhi, dans ce livre, il a cité un chapitre concernant un comportement. Thumma, il appuie avec un dalil, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, vu qu'on répète huna, il n'y a pas de hadith authentique concernant al-aql, alayhi rahmatullah, il a cité ce hadith. Et ça montre son fiqh. L'imam al-Hibban, rahimahullah, il fait partie de l'a'immat al-sunnah. Faliyada, il a cité ce hadith. Wa qal wa inna mahabbat al-mar al-makarim min al-akhlaq wa karahiyat safsafaha ou sifsafaha huwa nafsu al-aql. C'est ça la raison, la véritable raison qui sera utile pour al-mu'min. Wa illa, comme on a déjà cité, anna celui qui n'est pas atteint d'une maladie mentale, forcément il a la raison. Al-mu'min, al-kafir, al-sunni, al-mubtadi, al-muwahhid, al-mushrik, haoula, kulluhum, ils ont la raison. Et en tant qu'être humain, et ils font partie des mukallafoun, contrairement aux animaux. Lakin al-murad huna bil-aql, la raison, c'est par rapport à هذا الحديث. فلهذا قال إن محبة المرء المكارم من الأخلاق أي si l'être humain il aime les bons comportements comme Allah subhanahu wa ta'ala il aime les bons comportements لأن المؤمن il doit aimer ce que Allah aime فالله il aime les bons comportements et en tant que croyant doit aimer les bons comportements وكراهية سفسافها أو سفسافها يجوز بالفتح والكسر هو نفس العقل c'est ça la raison saine et d'aimer les bons comportements et de détester les mauvais comportements. C'est ça la raison saine. Et c'est cette raison, bi-idhnillahi azza wa jal, qui sera utile pour le croyant. C'est cette raison, bi-idhnillahi azza wa jal, qui sera profitable pour le mu'min fi dunya wal akhira. Thumma qala rahimahullah, fal'aqlu yumakkinu al-hadd wa yu'nisu al-ghurba wa yanfi al-faqa wa la ma la afdal minhu ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله. نعم. Par rapport à ce qu'on a vu précédemment, celui qui a cette raison saine, Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé son cœur, il l'a illuminé avec هذا العقل. Et c'est une ni'ma azima que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à l'être humain. Et cette raison, فهذا لا شك أن cette raison elle va le pousser à faire du bien بإذن الله عز وجل et à compléter sa foi, à s'améliorer de jour en jour. قال والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ. هنا عرف العقل, il a cité cette définition mufida, importante. العقل, la raison, c'est un mot qui est employé على ماذا على المعرفة بسلوك الصواب. Aïe, le fait de connaître le droit chemin. C'est ça l'aql. Aïe, la raison profitable. قَالَ وَالْعِلْمِ بِشْتِنَابِ الْخَطَى. Et كَدَالِكَ, connaître les choses néfastes, nuisibles, qui font du mal, pour s'en écarter. أَوْلًا هُنَا لَابُدْ مِنْ تَنْبِيهِ أَنَّ هَذَا الْعِلْمِ لَا يَكْفِي إِلَّا بِالْعَمَلِ. هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ قَوْلُهُ إِسْمٌ يَقَعَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ. Aïe, c'est un nom qui montre que la connaissance bi suluk as-sawab wal 'ilm bi ijtinab al-khata, ay connaître le bien et كذلك connaître le mal, hada yanfa' al-mar si met en application, ay met en application le bien et s'écarte du mal. Wa illa fa mujarrad ma'rifa, une connaissance sans mise en application, مثلا واحد sait que cette chose elle est bien lakin il ne la fait pas, il ne met pas en application. Ou un autre, il sait que cette chose, elle est néfaste, elle fait du mal, lakin il fait cette chose, malgré sa connaissance, c'est d'aucune utilité. Bel, c'est un argument contre lui, yawm al-qiyam. Donc, la bud min ilm wa amal. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, on peut ajouter la parole de deux imams, de l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, et de son cheikh, l'imam ibn al-Taymiyyah. On commence par ibn al-Qayyim, قال كما في مفتاح دار السعادة فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله الموفق. تأملوا هذا التعريف المختصر, أي cette définition أو ce كلام plutôt concernant la raison profitable. العقل كل العقل, أي la raison qui sera utile, qui sera profitable pour l'être humain, ma awsala ila rida Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette raison qui va te pousser à œuvrer afin de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. En suivant le prophète Muhammad alayhi sallatu wa sallam. Wallahu muwaffiq. Ça, ça nous montre ماذا? Anna al-aqlu, أي la raison saine, elle doit pousser le mu'min à mettre en application son din. Fal'aqil, si on revient au titre du livre, Rawdatul Uqala, fal'aqil, c'est celui qui fait des efforts pour apprendre le bien, le mettre en application, afin de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, et kadhalik, qui fait des efforts pour connaître le mal, afin de s'en écarter, et pour ne pas encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Taymiyya, rahmatullah alayhi, qala, في الصفدية لا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال أصحاب النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لا يسمى عاقلا. On peut pas dire qu'une personne, elle fait partie des عقلاء, c'est عاقل, إلا من عرف الخير, sauf celui qui connaît le bien. فطلبه, et il le met en application. قال والشر فترك, كذلك il connaît le mal, et pourquoi il connaît ce mal? Pour s'en écarter. Il y en a celui qui ignore une chose, il peut faire cette chose. Celui qui ignore que cette chose elle est mauvaise, il peut tomber dans cette chose. قال ولهذا قال أصحاب النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. Les gens de l'enfer, qu'est-ce qu'ils diront? Allah subhanahu wa ta'ala, il a rapporté une de leurs paroles. كما في سورة الملك قالوا لو كنا نسمع أو نعقل, أي si, أي dans le bas monde, on aurait écouté et on aurait raisonné, ما كنا في أصحاب السعير, أي قالوا أن s'ils auraient écouté et raisonné, ils ne feraient pas partie des gens de l'enfer. Enfin ça, ça nous montre أن العاقل هنا, c'est pas le sens que certains ils peuvent penser, أنه il a la raison فقط, أي il n'est pas, il n'a pas une maladie mentale, il a akhri. Là, al-aqil huna, c'est celui qui met en application son din. Et on va lire, inshallah ta'ala, ensemble des paroles de l'imam Ibn Hibban, rahimahullah, pour montrer les caractéristiques de hada al-aqil. Qala rahimahullah, kama taqaddam ma'ana, pour ceux qui ont le livre, fa nakhtasir. On lit pas tout, il y en a, ça serait assez long et certaines choses, on peut s'en passer en lisant d'autres. Wallahu alam. Et on conseille à nos frères, khasatan les arabophones, ceux qui comprennent l'arabe, qui lisent l'arabe, de profiter de lire le livre. De lire le livre, même les passages qu'on ne lit pas, enfin, quand on a fini, ou avant, fayaqra'una al-bab kamilan, fa sayastafidun. Qala, rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Sulayman ibn Faris, qala haddathana Ahmed ibn Sayyar, qala haddathana Habib الخلاب قال قيل لابن المبارك ابن المبارك الإمام عبد الله رحمة الله عليه ما خير ما أعطي الرجل. Ils ont demandé à cet imam عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه ما خير ما أعطي الرجل. Et c'est quoi la meilleure chose qu'on a donné à un homme, à une personne? قال غريزة عقل فيه. غريزة عقل فيه, أي الله سبحانه وتعالى lui donne هذا العقل السليم, أي une raison saine qui va l'aider à discerner entre le vrai et le faux. Cette raison elle va le pousser à faire des efforts pour apprendre son din, mettre en application, apprendre son din, كذلك s'écarter des choses qui nous sont interdites. قال فإن لم يكن, أي si cette personne elle n'a pas هذا العقل, cette chose qui pousse au bien, etc. Qala adabun hasan. Si elle n'a pas cette chose, fa adabun hasan. Elle doit avoir un bon comportement, même si elle n'a pas cette science, ce niveau, fa, le niveau d'en dessous, un bon comportement. Qila fa in lam yakun. Qala akhun salih yastashiru. Et s'il a des problèmes kadhalik dans ce deuxième niveau, ay adabun hasan, un bon comportement, fa ibn al-Mubarak, il a conseillé akhun salih yastashiru. Ne pas se précipiter et demander conseil. Demander conseil à un proche, à un ami. Qila fa in lam yakun. Et kadhalik, si il n'a pas hadha al-akh as-salih, s'il ne peut pas demander conseil. Qala samtun tawil. Et hadith une nasiha jamila, aïe se taire. Samtun tawil, ta'ammalu, il a qualifié as-samt, as-samt c'est le fait de se taire. Oui, tawil, aïe se taire. Habitué, prendre l'habitude de se taire. Limada, les anna plus al-insan il parle, plus ce qu'elle aime, imma il est pour lui ou contre lui. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. On ne doit pas oublier en Allah subhanahu wa ta'ala, il nous entend, il nous voit. On ne doit pas oublier en Allah subhanahu wa ta'ala, wakala malakain. Il a donné cette mission à deux anges de noter tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Celui qui ne peut pas faire certaines choses fait que le minimum qu'il se taise. Qila fa in lam yakun qala mawtun ajil. Et s'il ne peut pas se taire, Ibn al-Mubarak, rahimahullah, il a conclu, bi hadha al-kalam mawtun ajil. C'est mieux pour lui qu'il meure. Limada? Li'anna rubbama cette mort, l'ange de la mort, il va reprendre son âme en tant que musulman, et le fait qu'il vive, il se fera beaucoup de mal, il fera du mal aux autres, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Qala Abu Hatim rahimahullah, al-aql naw'an matbou'un wa masmou'. فالمطبوع منهما كالأرض والمسموع كالبذر كذلك يقال كالبذر والماء ثم قال أن العقل نوعان يعني دو سورت دو عقل دو غيزون مطبوع ومسموع المطبوع سي العقل que l'être humain il a depuis sa naissance Allah il l'a créé avec هذا العقل c'est quelque chose de naturel والمسموع ça vient du mot سماع As-sama' c'est les textes, c'est écouter les textes, ça vient du mot sam' écouter, et le murad on a c'est les textes, al-Qur'an ou sunnah. Et une raison qu'on peut améliorer en suivant al-Qur'an ou sunnah. Qala wala sabil lil-aql al-matbu' ila an yukhlas lahu 'amal mahsul dun an yurd 'alayhi al-aql al-masmu'. Le lien entre al-fitra, la raison saine et al-ilm. On doit faire des efforts. On ne doit pas, comme يقول البعض, et on a tous entendu هذا, بعضهم أحيانا ils font des mauvaises choses et يقولون mais je suis comme ça. Et ils ne font aucun effort pour s'améliorer. Là, صحيح أن بعضهم ils ont été créés هكذا avec un tempérament assez fort. بعضهم ils sont plus nerveux que d'autres, etc. بعضهم ils sont de nature ils sont assez durs. Là, qu'on doit faire des efforts. On doit faire des efforts. Ce comportement que tu as en toi, tu dois faire des efforts pour l'améliorer et pour le corriger. قال فينبهه من رقدته ويطلقه من مكامنه كما يستخرج البذر والماء ما في قعور الأرض من كثرة الربع. فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان بموضع عروق الشجرة من الأرض والعقل المسموع من ظاهره. Il a comparé al-aql al-matbu' comme les racines d'un arbre. Et il a comparé al-aql al-masmu' comme les fruits de cet arbre. Et là, chacun a les fruits sont liés à la racine. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts pour améliorer notre comportement jour après jour. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Qala rahimahullah, ma nuskha est numérotée. Chaque hadith, est-ce qu'il a numéroté le hadith? Naam, le hadith numéro 1, on l'a lu. Thumma, les paroles de savants, les vers de poésie, kadhalik, qui sont numérotés. Bah, par exemple, le kalam de Ibn al-Mubarak qu'on a lu, c'était le numéro 3. Enfin, pour ceux qui ont al-kitab, ça peut aider. Enfin, on va lire le vers de poésie, le numéro 7. قال أنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعاني لعبد الله بن عكراش شعرا يزين الفدى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه يشين الفدى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه. صحيح، كلام جميل. أن سكي فا إيلوفي المر في الدنيا، سكي فا إيلوفي لا بيرسون في الدنيا، سي سون بون كومبورتمون. Même si il ne possède pas grand chose. يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه. وبالعكس يشين الفتى في الناس قلة عقله. Celui qui a un mauvais comportement. Il se précipite. Il fait du tort aux autres. Et il sera rejeté. Et il sera rabaissé. وإن كرمت أعراقه ومناسبه. Même si il fait partie à la base d'une famille de haut rang, d'une tribu de haut rang, un nasab kabir azim, ça lui sera pas, ça lui sera d'aucune utilité si il fait du mal, s'il a un mauvais comportement. Les mains d'aller en nas, ils t'accepteront ou rejetteront par rapport à ton comportement. On parle de al-uqala, on parle des gens qui veulent le bien, qui suivent le bien. Amma at-tamma'in المفسدين ربما يزاكسبت واحد ممسي لا موفي كومبورتمون بور سون ارجون او اوتر. قال ابو حاتم رحمه الله فالواجب على العاقل ان يكون بما احيا عقله من الحكمه اكلف منه بما احيا جسده من القوت. نصيحه لاخواني هنا ان كونساي افون ديكسبليكي سو كلام ان هذا الكتاب فيه درر كثيره دي بارول د ابن حبان ينبغي أن أو تستحق أن تكتب بماء الذهب كما يقولون. Des paroles jamila jiddan comme cette parole. C'est pour ça que je conseille à mes frères de noter les fawa'id dans un daftar, dans un cahier. Imma un vers de poésie, imma la parole d'un imam, imma la parole d'Ibn Hibban lui-même. L'imam ali anna c'est ça l'ilm, avec la prise de notes. فكم من فوائد تمر معنا كم يد de paroles qu'on lit et on les note pas ثم on a beaucoup de mal à les retrouver. فلهذا ce genre de paroles أنصح الإخوان de les noter et pour ceux qui ont la قدرة de les traduire et de les propager. لماذا لأن هذا الكلام الجميل فيه فوائد كثيرة. تأملوا قال فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيى عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيى جسده من القوت. أي on doit donner plus de temps, plus d'importance, on doit faire plus d'efforts pour corriger notre cœur que le temps qu'on donne pour corriger, pour améliorer notre corps. On vit à une époque, أن كثيرا من الناس, leur objectif c'est devenu que le physique. بعضهم عيادا بالله لا إيمان. C'est des كفرة. Et des mauvais comportements. C'est des menteurs, des doubles visages, des hypocrites. Il a akhiré. Et ceux qui les côtoient, il y a la moune, hada. Et cette personne, au lieu de s'améliorer, son seul objectif, c'est quoi? C'est le physique. Pourquoi? On vit à une époque, on a beaucoup de gens, ce qui les préoccupe, c'est le regard des autres. Amma le mu'min, ce qui doit le préoccuper, c'est est-ce que Allah, il est satisfait de lui, amla. Amma le physique, tu as le physique que Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a donné. فاحمد الله كم من الناس ils ont pas ce physique que tu as, كم من الناس ils sont malades, ils sont handicapés الى اخره. فلهذا on doit appliquer cette nasiha, faire des efforts pour nous corriger هذا العقل. المراد بالعقل هنا c'est كما تقدم معنا c'est le cœur, c'est ton comportement, plus que les efforts que tu fais pour corriger ou pour améliorer ton corps. قال لان قوت الاجساد المطاعم وقوت العقل الحكم. لماذا لأن ton corps pour l'améliorer, pour rester en bonne santé, etc. Tu dois faire attention à ce que tu manges. Amma al-aql, le cœur, les provisions du cœur, c'est al-ilm, c'est la science, c'est la foi. Enfin, tu ne peux pas comparer ce cœur avec le corps. Les provisions, elles sont totalement différentes. قال وكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب وكذلك العقول إذا فقدت قوتها من الحكمة ماتت. هذا notre كلام, notre parole qu'on doit noter. لماذا؟ لأن فيها فوائد عظيمة. قال الأجساد تموت comme les corps, ils peuvent mourir s'ils ne trouvent plus de provisions, c'est-à-dire nourriture et eau. كذلك العقول, كذلك هذا العقل. Et l'aql, il est dans le cœur. C'est pour ça que le mourad, هنا, c'est le cœur. وكذلك العقول إذا فقدت قوتها, كذلك ce cœur, s'il n'a plus de provisions, plus de science, plus de foi, plus de rappel, ماتت. Ce cœur, il peut mourir, عيدا بالله. قال والتقلب في الأمصار هو الاعتبار بالخلق بخلق الله مما يزيد المرء عقلا وإن عدم المال أو on peut lire كذلك وإن عدم المال في تقلبه. Même si هذا المرء il est touché par la pauvreté, il a des manquements niveau dunya, لكن s'il fait des efforts pour apprendre son din, pour mettre en application et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'élève, il sera élevé. Et l'autre, même s'il a un physique, il est en bonne santé et tout son temps c'est pour améliorer son physique et il a de l'argent, il sera rabaissé fi dunya wa hakada fi al-akhirah, dans l'au-delà. قال وأخبرني أو أخبرنا محمد بن المسيب قال حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال سمعت حاتم بن إسماعيل يقول ما استودع الله عبدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما. قال أبو حاتم العقل دواء القلوب. Le lien entre العقل et le cœur. العقل c'est دواء القلوب, c'est le médicament. Pour soigner ton cœur, donne de l'importance à هذا العقل. Et on revient au début du chapitre. العقل, c'est le fait de connaître ce qui est profitable pour l'appliquer et connaître ce qui est néfaste, nuisible pour s'en écarter. أي العلم. هذا القلب. كذلك, il a besoin de remèdes, de médicaments, comme notre corps. Les remèdes pour soigner ce cœur malade ou pour faire revivre ce cœur mort, c'est l'iman, c'est la foi. العلم سي لا سيونس. قال رحمه الله العقل دواء القلوب ومطية المجتهدين وبذر حراث الآخرة وتاج المؤمن في الدنيا. التاج سي بور امبيلير اون شوز, التاج سي اون كورون. تاج المؤمن في الدنيا سي هذا العقل, سي سيت سيونس كي بوس ا ابليكي لي بون كومبورتمون اي ا سيكارتي دي موفي كومبورتمون. هذا المؤمن سيغا امبلي بار سون كومبورتمون. فلهذا احيانا تتروف مؤمن كي ربما كي مالاد كي ا دي بروبليم فيزيك كي نا با دارجون لكن تحبه في الله اي بور توا سي اون بيل بيرسون اي سي اون بون بيرسون اي تتروف ان اوتر انه اي فيزيكمون ربما الله سبحانه وتعالى لي با دوني ان سيرتين بوتي لا سانتي دو لارجون تبغضه في الله تو نو بو با لو ريغاردي. لماذا؟ لأن المسألة متعلقة بالقلب. نحن من أمة ولله الحمد on donne de l'importance à la science, on donne de l'importance à la foi. أما le physique, le physique tu ne peux pas le corriger en général. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de toi que tu es petit, tu es petit. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de toi que tu es grand, tu es grand. Tu ne peux pas corriger ces choses. On doit donner de l'importance aux choses qu'on peut corriger et profitables. أما ماذا ستستفيد؟ ماذا ستستفيد؟ si tu as fait des efforts de 1 an, 2 ans pour perdre 1 kilo, ماذا ستستفيد؟ بعض الناس شغلهم الشاغل c'est sur leur poids. Bien sûr que faire attention à son poids c'est important pour la bonne santé, لكن ça ne doit pas être un objectif. Là on fait des efforts, on fait attention à ce qu'on mange, il a akhiré, et alhamdulillah ça s'arrête là. Les principaux efforts c'est pour corriger, pour améliorer ce cœur. قال رحمه الله وعدته نعم وعدته في وقوع النوائب ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا. نعم, celui qui a perdu son عقل, qui ne fait pas des efforts pour apprendre son din et mettre en application, لم يزده السلطان عزا, même s'il connaît des hauts responsables, ça ne l'élèvera en rien ici-bas et dans l'au-delà. قال رحمه الله ولا المال يرفعه قدرا ولا عقل لمن أغفله من آخرته ما يجد من لذة دنيا. فكما أن أشد الزمان الجهل كذلك أشد الفاقة عدم العقل. كذلك المال l'argent ça ne t'élèvera pas, ça ne t'élèvera pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك auprès des gens pieux. Sauf si cet argent, il est acquis, min al-halal, et il est dépensé, fil halal. Ou illa l'argent en lui-même, ça peut être une fitna belle. Kathirun min al-nas. La plupart des gens à notre époque, pour eux, l'argent, c'est une fitna. Kama akhbar al-Nabi alayhi salatu salam, li kulli ummatin fitna wa fitnat ummatil mal. Chaque communauté a sa fitna, a ses tentations. Et la tentation de cette communauté, c'est avec l'argent. قال رحمه الله والعقل والهوى متعاديان فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مسعفا ولهواه مسوفا ثم قال رحمه الله أن العقل والهوى متعاديان dans ton cœur, et ça c'est valable pour chaque être humain, il y a une maraka, il y a un combat entre deux choses, entre هذا العقل, et la raison saine, la guidée, ton amour de la vérité, ton amour de la religion, la foi, etc. contre al-hawa, contre les passions. Fa al-wajib 'ala al-mar. On est tous concernés. Fa qu'est-ce qu'on doit faire? An yakun li ra'yihi mus'ifan wa li hawaa musawwifan. Na'am. On doit accepter tout ce qui est lié à la foi, à la science, faire des efforts pour mettre en application, et on doit repousser Al-Hawa. Musawwifan. Quand on dit Saufa. Saufa af'al kadaï. Je ferai cela plus tard. Et c'est une image pour montrer Al-Hawa, les passions, on doit les repousser. Qala rahimahullah. Fa'idha shtabha alayhi amran tajannaba aqrabahuma min hawa. Li'anna fi mujanabatil hawa islah sara'ir. Wa bil aqli tasluhu dhamair. Thumma il a cité cet exemple. Si tu es face à deux choses et tu ne sais pas quelle chose est permise, quelle chose est interdite. Si tu sens que al-hawa, les passions, elles te poussent vers une chose, ihdar, fais attention. En général, ça sera du haram. Comme a akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, huffat an-nar bi-shahawat. Le paradis, il est entouré des shahawat, des tentations, des passions. Qala rahimahullah wa anshadani Abdul Aziz ابن سليمان الأبرش إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أياديه وتم بناؤه فإن لم يكن عقل تبين نقصه ولو كان ذا مال مال كثير عطاؤه كما تقدم معنا إلى cité ce vers de poésie pour montrer que celui qui a un bon comportement, qui aime la foi, qui met en application, qui fait des efforts dans son dîn, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élèvera. Et celui qui délaisse tout cela, même s'il a de l'argent, même s'il a des connaissances, il a akhiré, ça lui sera d'aucune utilité. Limadha li'anna, ce qui élève, c'est al-ilm, wal-iman, wal-amal. La cause pour être élevé, akhil kareem, c'est la science. Qabla dhalik, bien sûr, la foi. Après la science et la mise en application. Kama qala Allahu jalla wa ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utu al-ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève ceux qui ont la foi et ceux qui ont reçu la science. Et bien sûr, la science avec la mise en application. Qala rahimahullah. Qala Abu Hatim, afdalu dhawi al-uqul manzilatan adwamuhum li nafsihi muhasabatan wa aqalluhum anha fatratan. Kalamun jamil. Afdalu dhawi al-uqul. Parmi les meilleures personnes. Manzilatan, et ceux qui ont atteint des hauts rangs, أدومهم لنفسه محاسبة. C'est ceux, دائما, ils se remettent en question. دائما, ils se posent, ou ils se يحاسبون أنفسهم. Ils se demandent des comptes à eux-mêmes. Ils ne regardent pas que les autres. قالوا أقلهم عنها فترة. نعم. Ils ne lâchent pas sur ce sujet. أبدا. دائما, jour après jour. Jour après jour, ils se remettent en cause. Où? Ba'dannas, ils sont atteints d'une maladie. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. C'est toujours de la faute des autres. Quand ils ne réussissent pas une chose, c'est de la faute d'un tel. Quand ses enfants, ils ont un problème, c'est de la faute d'un tel. Ha'oula, ils ne progresseront jamais, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il les guide. Thumma qala, wala yajib lil'aqil an yaghtam. Donc, à partir de Huna, il cite des caractéristiques du aqil. Donc parmi les caractéristiques de al-uqala, annahum yuhasibuna anfusahum, annahum ils se remettent en question. Daiman. كذلك قال ولا يجب للعاقل أن يغتم لأن الغم لا ينفع وكثرته تزر بالعقل ولا أن يحزن لأن الحزن لا يرد المرزئة ودوامه ينقص العقل قوله المرزئة أي المصيبة هنا il a cité parmi les caractéristiques du عقل أنه il fait attention de ne pas toujours être angoissé toujours triste هذا la cause c'est quoi c'est أن أولا cette personne elle réfléchit trop et كذلك cette personne elle a un ضعف في القدر Mais celui qui a la conviction que Allah il a tout décrété, fais ce qui est passé, ya akhil karim. Si c'est une erreur, fais tawba ila Allah. Si tu as fait un péché, demande à Allah qu'il te pardonne. Et si c'est quelque chose min al-umur al-kawniyya, la perte d'un proche, la perte d'argent, une injustice que tu as subie, il a le fait de toujours penser à ce souci, à ce problème, ça fait du mal à l'insan. فلهذا قال والعاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به ويدفع المرء قبل أن يقع فيه هذا كذلك كلام جميل العاقل parmi les caractéristiques de العقلاء أنهم ils essayent d'éteindre la fitna ou un mal ou un problème à la source avant d'être touché كذلك أنهم ils s'écartent des problèmes ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه فإذا وقع فيه رضي والصبر s'il est touché malgré les efforts لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده الله سبحانه وتعالى il éprouve ses serviteurs وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ceux qui sont le plus éprouvés c'est les prophètes et les messagers لكن أصلا au départ on essaye de s'écarter on essaye de repousser ثم si on est éprouvé on patiente et un degré encore plus élevé que la patience, al-rida. On est satisfait. Pourquoi ? C'est Allah qui a décrété cette chose. Avec ce mu'taqad, cette aqidah, l'insan va être beaucoup moins angoissé. La tristesse, elle ne va pas rester dans son cœur. Et la tristesse, bien sûr, c'est normal. Chaque être humain, il est triste. Lakin, il y a une différence entre être triste une heure et être triste un mois. قال والعاقل لا يخيف أحدا أبدا ما استطاع ولا يقيم على خوف وهو يجد منه مذهبا كذلك العاقل il évite de d'effrayer les autres النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك même si c'est pour plaisanter هذا c'est haram on n'a pas le droit de faire peur à notre frère musulman كذلك une chose qui peut te causer une peur tu dois t'en écarter قال فإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد مع لزوم العفاف إذ هو قطب شعب العقل ثم قال رحمه الله la page suivante وآفة العقل أي parmi les choses qui font du mal au عقل أي au cœur à la foi الصلف قال في الحاشية الكبر l'orgueil قال والبلاء المؤذي والرجاء المفرط أما concernant les épreuves Alhamdulillah taqaddam. Qawluhu wa raja al-mufrit, c'est wa'd an-nas, ou roubama, ils font des mansa'ib. Ils font des choses très très graves. Thumma, tu les conseilles, et ils ont hadha al-ifrat fi raja. Ils disent Allah il est ghafour rahim. Ils font aucun effort pour s'écarter du mal. Bel, ils ont l'intention de continuer, et ils ont cet argument complètement faux, an Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour et il est rahim. Il n'y a aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne. C'est le grand pardonneur, c'est Al-Ghaffar Azza wa Jal. Lakin, il pardonne à qui il veut. Et tant qu'on est dans ce bas monde, on n'est pas à l'abri. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, كذلك, il est dur en châtiment. شديد العقاب جل وعلا. قال لأن البلايا إذا تواترت عليه أهلكت عقله والرجاء إذا تتابع عليه أبطره. صحيح. أن si il ne fait que s'accrocher au رجاء. أي الرجاء c'est l'espérance, l'espoir et دلس الجانب الآخر أي الخوف, la crainte, la peur فربما الشيطان il va l'égarer par ce bain il va faire des choses, il va jamais se repentir en s'accrochant à cette ambiguïté أي le fait que même s'il fait pas d'effort Allah subhanahu wa ta'ala il va lui pardonner ما ندري Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne à qui il veut il peut pardonner même si on fait pas d'effort لكن en tant qu'être humain on n'a pas cette garantie ما ندري C'est pour ça qu'on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et كذلك دو اسبيري. قال والعدو العاقل خير للمرء من الصديق الجاهل. عدو ان انمي لكن كي عاقل كي دي برينسيپ كي ان مينيموم دون سيرتين شوز دون لو كومبورتمون اكسيتيرا خير للمرء من الصديق الجاهل. سي ميو كان امي جاهل ignorant. Pourquoi? Parce que l'ignorant, même s'il t'aime, même si c'est un ami, il pourra te faire beaucoup de mal en divulguant tes secrets, en te faisant du mal avec sa langue, كذلك avec son mauvais comportement. Comme les gens, ils ont des amis, mais c'est des juhal, et ils leur font beaucoup plus de mal qu'un ennemi. Si c'est un ennemi et c'est un aql, ça restera un ennemi. Et en plus, vu que tu sais que c'est un ennemi, tu es à la hadar. Amma al-sadiq, robama, tu le rapproches, tu lui confies certaines choses, et il te fait beaucoup de mal. Non. Amma al-sadiq, le proche, l'ami qui est à la sunna, qui fait des efforts pour apprendre son dîn, qui accepte le conseil, qui reconnaît ses torts, même si on n'est pas à l'abri, on a tous des manquements, même si tu subis de sa part un mal, il se rattrape et il accepte le conseil. Thumma qala rahimahullah, la page suivante, wa uqul kulli qawm على قدر زمانهم فالعاقل يختار من العمر أحسنه وإن قل فإن خير من الحياة النكدة وإن طالت والعقل المعى غير المقتنع به أو غير المنتفع به كالأرض الطيبة الخراب. أي نعم هذا تقدم. قال والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل ولا يكثر التمادي إلا عند القبول ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت. Des autres caractéristiques du عاقل. أي celui qui a un bon comportement. Parmi les caractéristiques de هؤلاء qui ont un bon comportement, أنه لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل. أنه il se précipite pas. Se précipite pas à parler, à répondre, alors que personne ne lui a rien demandé. قال ولا يكثر التمادي. التمادي أي قال في المطبوع التماري أي النقاش, la polémique. إلا عند القبول. Sauf si c'est qu'en face, on accepte. Contrairement à notre époque. بعضهم, tu trouves, للأسف, ربما c'est un sunni, ربما c'est un طالب علم. Et il perd son temps à polémiquer. خاصةً à notre époque sur les réseaux sociaux, alors il sait très bien qu'en face, il ne veut pas accepter. Pourquoi perdre son temps ? فَلِهَذَا قَلْ وَلَا يُكْثِرْ. Ne polémique pas, ne perds pas ton temps. Pourquoi ? أولاً, c'est une perte de temps. ثَانِيَنْ, tu sais très bien qu'il n'accepte pas. إِلَّا إِيَشَاءَ اللَّهُ. Et troisièmement, il pourra te faire du mal. Il pourra se servir d'une de tes paroles. Et au nom de la sunna, Robama, tu fais du mal à la sunna. Comme ça arrive souvent. فَلِهَذَا, on doit fermer cette porte. On répète, العاقل لا يبتدي الكلام إلا أن يسأل. On ne se précipite pas. Si واحد te demande une chose et tu es compétent dans ce domaine, فالحمدلله, celui qui parle بعلم, que ça soit في الدين ou في الدنيا. لكن se précipiter, بعضهم, ils veulent montrer qu'ils ont des compétences ou qu'ils savent telle chose et يكثرون الكلام alors que personne ne leur a demandé. كذلك on s'écarte de la polémique. قال ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت. كذلك avant de répondre il faut être sûr. التثبت خاصة فيما يتعلق بمسائل العلم والدين, surtout tout ce qui concerne la science. يا أخي ne te précipite pas, واحذر من الشيطان, أنه il va te faire croire que c'est urgent, il va te faire croire que si tu réponds pas un tel il va s'égarer, si tu réponds pas peut-être qu'il va le demander à un autre et il va se faire du mal. Tu n'es pas responsable. Si tu sais, et tu as la preuve, et on rajoute كذلك la parole des savants de la sunna, les nakam min al-nas, ils pensent avoir une preuve, et ils répondent avec un hadith ou un verset du Coran, et la réponse, elle est complètement, complètement fausse. Fahada, ça ne suffit pas. Valiada, aslan, nahnu, à notre niveau de débutant dans la science, on fait des efforts dans la science. Si quelqu'un nous demande, on renvoie cette personne vers les savants. Lakin, ça peut arriver même si dunya. Wahid, il te demande quelque chose concernant maintenant des sujets très très importants, la santé ou autre, ou le domaine de l'emploi ou du mariage. te précipite pas. Il a une date tathabout. Comme minana, s'ils se sont précipités, si on prend l'exemple du mariage, et ils ont répondu à des questions. Matalan, c'est quoi le hal, la situation de cette sœur ou de ce frère? Et pardon, ils se précipitent. Les matalans, ils veulent du bien. Ils disent, na'am, il est comme ça, il est comme ça. Thumma, ce frère ou cette sœur qui veulent se marier, ils écoutent, ils prennent ce qu'elle a. Thumma, ils se font beaucoup de mal. Thumma, ils s'aperçoivent que c'était pas comme cela. Pourquoi? Les annal akh, aul ukht, ma tathabbatou. At-tathabbut, c'est de faire attention et de bien vérifier ses sources. Qala wal aqil la yastahqir ahad. لأن من استحقر السلطان أفسد الدنيا. العاقل, le doué de raison, celui qui a un bon comportement, celui qui suit la guidée, لا يستحقر أحد, il ne rabaisse personne. قال لأن من استحقر السلطان, et ça c'est le plus grave, ça fait beaucoup de mal à l'insan de rabaisser à sultan, le gouverneur, أفسد الدنيا, il se fera du mal. Il perdra Obama sa dunya. Il peut perdre la vie, il peut se faire emprisonner, il peut être accusé. En tant que musulman, si notre gouverneur c'est un musulman, on n'a pas à le rabaisser. Awalan, c'est ton frère musulman. C'est un gouverneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné un haq azim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné des droits. Même s'ils font des péchés, c'est un musulman, c'est un gouverneur, on t'a fait dua pour lui. Mais le rabaisser, en public, c'est pas min tariqati ahli sunnah. Et ça peut avoir des conséquences très très graves. Afsada dunya, hakada qala Ibn Hibban. Il peut perdre sa dunya. Qala wa man istahqara al-atqiya ahlaka din. Celui qui rabaisse, qui se moque des gens pieux, il peut perdre son din. Khasatan, s'il se moque, il le rabaisse parce qu'il applique la religion, il applique la sunna, hada, c'est très très grave. قال ومن استحقر الإخوان أكسد مروءته ومن استحقر العام أذهب صيانته. نعم dans tous les cas, on doit pas se rabaisser, on doit pas se moquer des awam, des gens de la masse, ou des étudiants en sciences, mais bab ou là des savants, des gouverneurs, encore plus grave de la religion. Allez, hada, on doit se maîtriser. Anta par rapport à l'entourage que tu vis, la société dans laquelle tu vis, tu n'as pas besoin de rabaisser les autres. Un t'as avec eux, un nasiha, montre, fais le rappel, si tu as de la science. Tu n'as pas de science, fais des efforts, fais l'ilm. Et les autres ne te feront aucun mal. Tu as la qudra, al-amr bil ma'ruf, wa nahy 'anil munkar, avec le cœur, avec la langue, avec la main si tu peux. Ou hakada, amma rabaisser, hada, ce n'est pas profitable. On rabaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rabaissé fi kitabihi al-azim. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rabaissé. Min al-kafra al-mushrikin. Ou là, on les rabaisse, on leur donne aucune valeur. Mais ton frère mu'min. Fahada la yajouz. Qala wa al-aqil la yakhfa alayhi aibu nafsih. Lianna man khafya alayhi aibu nafsihi khafyat alayhi mahasinu ghayrih. Kalamun jamil. Al-aqil la yakhfa alayhi aibu nafsih. Il n'oublie pas ses propres défauts, ses propres manquements, ses propres péchés. Les anaman khafiya alayhi aibu nafsi, il y en a celui qui ne fait pas attention à ses propres défauts, khafiyat alayhi mahasinu ghayrih. Il ne fera pas attention aux qualités des autres. Kam minan nas, dans leur comportement, même s'ils ne le disent pas avec leur langue, ka'annahum, ils n'ont pas de défauts, et tous les problèmes, ça vient des autres. Ça, c'est pas min sifat al-uqala. Ça, c'est pas un bon comportement. قال وإن من أشد العقوبة على المرء أن يخفى عليه عيبه لأنه ليس بمنقلع عن عيبه من لم يعرفه. Ça, c'est la conséquence de ce mauvais comportement. Celui qui ne connaît pas, ne fait pas des efforts pour s'occuper de ses propres péchés, de ses propres défauts, de ses propres manquements, bah, comment il va faire pour s'améliorer? Il pense que pour lui, il n'y a pas de problème, c'est que les autres. فهذا لا شك. Un shaitan, il va l'égarer min hadal bab, il va regarder que les autres. Un tel il a fait, un tel il a dit, alors que lui-même, il est dans une situation critique. Qala wa laysa bina'ilin mahasin an-nas man lam ya'rifha. Qal wa ma anfa'a at-tajarib lil mubtadi wal hal ma'an. Sahih. Et beaucoup de gens, ils apprennent avec l'expérience. Beaucoup de gens, ils apprennent après avoir fait des erreurs. On doit faire des efforts pour apprendre avec l'ilm. Ne pas, ne pas comprendre les choses après avoir fauté. Ah, bien sûr que ça arrive, ça fait partie de l'expérience de la vie. Lakin, en tant que le sunna, en tant que talabat ilm, on doit faire des efforts pour que se corriger avec la science. Qala rahimahullah wa ra'sul 'aql al-ma'rifatu bima yumkin kawnuhu qabla an yakun. Hada c'est ra'sul 'aql. Ça fait partie des fondements du aql. La principale caractéristique du aql. Ma hi al-ma'rifa, connaître. Bima yumkin kawnuhu qabla an yakun. Ça veut pas dire que l'insan peut connaître l'invisible. Abdan. الإمام الحبان رحمه الله سمين أئمة السنة لكن كسكي الفيدير بهذا النظر إلى العواقب أي regarder loin. Quand tu dis une chose, tu fais une chose, en général si tu réfléchis un peu et tu ne te précipites pas, tu peux savoir les conséquences que ça peut emmener. Comme Milanès, ils ont dit une kalima, une parole, ça a causé un divorce, ça a causé un meurtre, ça a causé une fitna énorme. Alors que un tas, avant de parler, si tu regardes, si je dis cette parole, peut-être qu'un tel il va la comprendre telle chose, peut-être qu'elle va arriver aux oreilles de un tel. Enfin, amsik, tais-toi au départ et réfléchis à ce que ça peut apporter comme conséquence. Ça c'est min avam sivat al-uqala. Qal wal wajib ala al-aqil an yajtanib ashiya thalath. Kadhalik al-aqil il doit s'écarter de trois choses. Fa innaha asra' fi ifsad al-aql min an-nar. Fi yabis al-awzaj. Al-awzaj, c'est du bois. Yabis al-awzaj, c'est du bois sec. Ta'lamoun anna an-nar, le feu, s'il est allumé dans un endroit où il y a du bois sec, de la paille, des brindilles, du bois mort, fala shak anna hadha an-nar yantashir bi sur'a. Hakada, ces trois choses, ça fait du mal au aql à la fois, comme le feu il peut détruire du bois. قال الاستغراق في الضحك. Toujours rire. بعض الناس leur journée s'est faite de الضحك. من الصباح إلى الليل. هذا ça fait beaucoup de mal au cœur. قال وكثرة التمني. أي sans faire d'effort. التمني c'est espérer. Je vais faire la salat dans une semaine. Je vais faire le hajj quand je serai vieux. Je vais demander pardon à un tel. La semaine prochaine, dans un mois, il repousse les choses. Shaytan, yuharib hadal insan, en repoussant les bonnes œuvres. Jusqu'à ce que Malak al-Maut, un jour, il vient sans prévenir, et hadal insan, il meurt, alors qu'il n'a pas demandé pardon, alors qu'il devait telle chose à un tel, il n'a pas fait salat, il n'a pas fait le hajj, etc. Qala wa su' al-tathabbut. Su' al-tathabbut taqaddam ma'ana, et le fait de ne pas vérifier. قال لأن العاقل لا يتكلف ما لا يطيق ولا يسعى إلا لما يدرك إلى آخره. ثم قال والعاقل يبذل لصديقه نفسه وماله ولمعرفته رفده ومحضره ولعدوه عدله وبره. Le comportement du عاقل avec ses proches, التعاون, l'entraide, avec ses biens, son argent s'il peut, avec le conseil, physiquement s'il peut, il a besoin d'aide. Ou ma'adoué avec son ennemi, adlo wa birro. Le droit chemin et la justice, même avec les ennemis. C'est pas que c'est un ennemi qu'on a le droit de mentir, on a le droit de trahir, etc. Al-adl avec le jami', être juste avec tout le monde. Qal wa lil'am bishrahu wa tahiyyatahu wa la yasta'in illa biman yuhib. أن يظفر بحاجته ولا يحدث إلا من يرى حديثه مغنما. كذلك من صفات العقلاء أنه لا يحدث إلا من يرى حديثه مغنما. أي العاقل ne parle pas avec tout le monde. Ça veut pas dire que on ne répond pas au salam, on boycotte. أبدا. لا. لكن certaines discussions, tu peux pas les avoir avec tout le monde. كذلك les fréquentations, c'est pas avec tout le monde. Enfin, certains min al-muslimin, le fait de le fréquenter, c'est très néfaste pour ta foi, akhil karim. Lakin, les conseillers de temps en temps, leur passer le salam ou répondre à leur salam, ça c'est autre chose. Al-aqil min sifati annahu, il fréquente. Et ces discussions, c'est avec des gens dont il va profiter. Il m'a un conseil. إما علم إما بون كومبورتمون إكسيتيرا. قال إلا أن يغلبه الاضطرار إليه. Ça peut arriver. أحيانا tu n'as pas le choix. Ça peut arriver مثلا avec les proches. Un proche, un parent, un oncle, un frère, un cousin. هؤلاء ils ont un حق. صلة الرحم c'est très très important. Beaucoup de des choses qu'on lit l'un on détaille pas. لماذا؟ لأن إن شاء الله تعالى ça viendra des chapitres sur ces points. فماذا؟ Ça peut, tu peux être contraint à Hianan. Un proche, tu es obligé de lui parler, de rester avec lui un certain temps. Il a arrêté. Fafi, hadal hal, tu patientes et tu conseilles et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala al-aoun. قال ولا يدعي ما يحسن من العلم. كذلك ça c'est من صفات العقلاء. Non, il ne se vante pas. Anahu, j'ai appris, j'ai mémorisé, j'ai fait. قال لأن فضائل الرجل ليست من ليست ما ادعاها وليست ما ادعوها نعم أي الرجال قال لأن فضائل الرجال ليست ما ادعوها ولكن ما نسبها الناس إليهم صحيح أن فضائل الرجال لي ميريت دون بيرسون سي باسكو سيت بيرسون ال دي دال ميم أبدا ça ça fait pas partie des bons comportements لا فضائل الرجل أو المرأة سي سكو لي زوتر اون دير اي ديرون دو لوي اي اون ريشيرش با que les autres y parlent bien de nous. Lakin, celui qui a un bon comportement, qui est utile pour la communauté, qui fait des efforts, là, chacun a un tel et un tel, ils parleront en bien de lui. Mais si lui-même il parle en bien de lui, fahada la yambari. Sauf bien sûr dans certains cas. Comme Uthman, radiyallahu anhu, quand Al-Khawarij, avant qu'il l'assassine, il les a conseillés. Il les a conseillés, il a fait telle chose, il a creusé tel puits, le prophète il a dit telle chose sur lui, il a arrêté. Dans ce cas, bien sûr, c'est permis. Wa illa fal insan la yuzakki nafsa. Fala tuzakku anfusakum. Hakada qala azza wa jal. Aïe, se faire des éloges à nous-mêmes. Thumma qala rahimahullah. Qala fala takad tara aqilan illa muwakkiran lirru'asa nasihan lil'aqran. مواتيا للإخوان متحرزا من الأعداء لا حاسد للأصحاب ولا مخاضع للأحباب صص من صفات العقلاء أنهم يرسبكت الرؤساء يرسبكت leur gouverneur leur responsable يكونسيل الأقران أي leur proche كذلك لا حاسد للأصحاب ils n'envient pas ils ne sont pas jaloux لماذا لأن leurs amis leurs proches Allah il leur a donné telle ni'ma ولا مخادع للأحباب كذلك يتخايس با لغ بروش لغ زامي قال ولا يتحرج بالأشرار ولا يبخل في الغناء كذلك من صفات العقلاء أن كانت الله سبحانه وتعالى اللغة دوني نسون با أفار بل يفون بخوفيتي توصبوا الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله ومن العقل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه هذا تقدم معنا كثيرا vous avez remarqué que l'imam Ibn Hibban رحمه الله il a répété هذا كثيرا à de nombreuses reprises التثبت et le fait de vérifier avant de parler avant d'agir خاصة quand c'est une chose qui touche les autres قال وآفة العقل العجب et ce qui fait du mal au عقل et à la religion à la foi du mu'min c'est العجب c'est de se vanter قال بل على العاقل أن يوطي نفسه على الصبر على جار السوء بل العاقل il doit se préparer pour patienter face au mal des autres أما l'orgueil se vanter rabaisser هذا تقدم معنا ça fait pas partie des bons comportements بل le bon comportement c'est de patienter face à ceux qui agissent mal que ça soit un voisin ou autre قال وعشير السوء وجليس السوء فإن ذلك مما لا يخطئه على ممر الأيام. Tu seras confronté à هذا. Et je serai confronté à هذا. T'es obligé. Imma tu seras éprouvé par un voisin. Imma tu seras éprouvé par un membre de ta famille. Imma par un ami. Imma par un frère. هذا لا بد. فلهذا هذه النصيحة للطيبة الصبر. On doit patienter. أما rejeter les autres. خاصة si cet autre c'est un ignorant. Et il a un mauvais comportement. Il n'a pas eu la possibilité d'apprendre ce que tu as appris. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a guidé. On ne doit pas oublier ça. Donc on doit essayer d'être un miftah de khayr pour les autres. Une porte de bien pour les autres. قال ولا يجب للعاقل أن يحب أن يسمى به لأن من عرف بالدهى حذر أو حذر ومن عقل العاقل دفن عقله ما استطاع لأن البذر وإن خفي في الأرض أياما فإنه لابد ظاهر في أوانه وكذلك العاقل لا يخفى عقله وإن أخفى ذلك جهده أي سوي النصيحة أن سي الله سبحانه وتعالى إتا فاسيليتي سيغتين شوز لا ميموريزاسيون لا سيونس أو أون نعمة دو سو با موند Fais attention de ne pas t'exposer. Les mains d'Aliana, tu trouveras toujours Wahed qui est jaloux. Khas, Satan Bardemnez, quand ils savent que Wahed il a une ni'ma, ça les dérange. C'est une maladie. Il a conseillé, le musulman, il doit faire attention. On vient à une époque, nous, Al-An, Al-Bard avec les réseaux sociaux, ils se filment quand ils font salat. Ils photographient ce qu'ils mangent. Ils vont Hajj, ils passent plus de temps à photographier, à filmer que. Que Robama lire le Coran, assister aux assises des savants. Tout ça, Robama, tu t'exposes. Et un hasid, un jaloux, ou un sahir, un sorcier, il peut utiliser ces choses pour te faire du mal. Et l'imada se montrer aux autres. Maintenant, on va manger pour rompre le jeûne. L'imada, à chaque fois, tout photographier et montrer. L'imada, alhamdoulilah, tu manges, tout le monde mange. Mais affiché, c'est des choses normales. Et pour nous, c'est devenu l'un, on est obligé de conseiller. Tu vas au hajj, alhamdoulilah. Pardon, ils vont au hajj, ils photographient quand ils sont à l'aéroport, quand ils sont à l'avion, quand ils descendent, quand ils font l'ihram, quand ils rentrent, quand ils voient le Kaaba, quand ils font tawaf, jusqu'à la fin. L'imad. Aïn al-maslah. Sans rentrer dans le sujet, les photos haram, les êtres humains, etc. On doit faire des efforts pour faire partie de l'uqala. Wallahi, celui qui a la raison et qui fait des efforts dans l'ilm et la mise en application, il s'écarte de toutes ces choses. Il n'a pas besoin de hada. Il fait des choses qui sont profitables. Au lieu de propager des choses inutiles, propage l'ilm, akhil karim. Propage une faïda de l'imam l'Hibban, qu'on est ensemble, la hadith, un verset, il a akhiré. ثم قال أبو حاتم رحمه الله أول خصال الخير للمرء في الدنيا العقل وهو من أفضل ما وهب الله لعباده فلا يجب أن يدنس نعمة الله بمجالسة من هو بضدها قائم هذا العقل سيئ النعمة La fin de ce chapitre, Ibn Hibban, rahimahullah, après avoir cité tous ses bons comportements, et c'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, si tu fais partie de ha'oula, akhil karim, tu dois être reconnaissant. Celui qui a des manquements, on a tous des manquements, enfin, cette étude, c'est un moyen de nous corriger. On a fauté, on demande pardon. On a eu un manquement, on essaye de progresser, ila akhir. Celui, walillahi alhamd, qui arrive à appliquer certaines choses ou toutes ces choses, il doit être reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a donné ces choses. Là, c'est ton intelligence, c'est tes efforts, que tu as réussi à faire telle chose. Tout ça, c'est des causes. Et même ces causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te les a facilitées. فَلِهَذَا قَالْ فَلَا يَجِبُ أَنْ يُدَنَّسْ نِعْمَةَ اللَّهِ بِمُجَالَسَتِي مَنْ هُوَ بِضِدِّهَا قَائِمٍ مِنْ شُكْرِ اللَّهِ C'est que tu n'as pas le droit de fréquenter ceux qui combattent. C'est bien fait que Allah t'a donné. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a embelli avec ces choses. Thumma, l'insan, il ne fait pas attention. Et ces belles choses, il les expose à des mauvaises personnes et il se fait du mal. Adala yambari. Et ça y est, incha'Allah ta'ala ma'ana, un chapitre sur les fréquentations. Qal wal wajib ala al-aqil an yakun hassan al-hadi, tawil al-samt. فإن ذلك من أخلاق الأنبياء كما أن السوء السمت وترك الصمت من شيم الأشقياء parmi les comportements du aqil et c'est ça fait partie des comportements de tous les prophètes et les messagers de savoir garder le silence on fait attention et à notre époque c'est garder le silence avec la bouche et كذلك maîtriser nos doigts ne pas tout écrire sur son téléphone sur les réseaux on doit se maîtriser Il y en a plus, on le répète, plus l'insan il s'expose. Il parle beaucoup, il écrit beaucoup, il polémique beaucoup, plus il s'expose à l'erreur. Encore plus à notre niveau, nous. Nous, normalement, wallahi ya ikhwan, c'est une nasiha, si on veut réussir, samt al-tawil, comme a dit l'imam al-Hibban, garder savoir, garder le silence, et tes forces, mets-les fil-hifd, de la mémorisation. Il y en a celui qui parle beaucoup, qui polémique beaucoup, qui écrit beaucoup. Là, chacun, ça va lui prendre du temps. Et tu es un être humain, tu as une journée de 24 heures comme tout le monde. قال رحمه الله والعاقل لا يطول أمله لأن من قوي أمله ضعف عمله. هذا تقدم معنا كثيرا. الأمل التسويف. Je vais faire, je vais faire. Il a arrêté alors qu'il ne fait pas. Toujours il repousse. فلهذا قال لأن من قوي أمله ضعف عمله. Celui qui fait que repousser, là, chacun, il ne fera pas. Il repousse. قال ومن أتاه أجله لم ينفعه أمله. Et celui qui meurt, l'ange de la mort, il vient récupérer son âme. Lam yanfa'hu amalu. Khassatan s'il pouvait mettre en application et il a délaissé. Hada, le fait de repousser, c'est pas une œuvre qu'il a faite. Naam. S'il a une bonne niya et il ne pouvait pas faire, il a akhiri. An niya tayyiba, c'est bien, lakin celui qui peut faire et il repousse, khassatan si c'est une obligation, encore plus grave si c'est un pilier de l'islam. Comme la salat, comme le hajj, etc. فهذا يدعى كخندر الله. قال والعاقل لا يقاتل من غير عدو ولا يخاصم بغير حجة ولا يصارع بغير قوة لأن بالعقل تحيا النفوس وتنور القلوب وتمضي الأمور وتعمر الدنيا. العاقل كذلك il ne rentre pas en confrontation avec quelqu'un alors qu'il n'est pas prêt. Ça c'est من صفات العقلاء. فلهذا قال ولا يخاصم بغير حجة. Ça, c'est pas min al-hikma. On doit faire attention aux passions. On doit faire attention aux sentiments. Comme min al-nas. On reste toujours dans les réseaux sociaux. L'imam al-Aliana, c'est un exemple. On est tous concernés. Et c'est la fitna de notre époque. Comme min al-nas. Ils sont pas prêts à affronter al-kufr, les mécréants. Al-mubtadi'a, les innovateurs sur les réseaux sociaux. On parle niveau argument. Et ils se lancent un cadre dans l'arène, au combat, alors qu'il n'est pas armé, il n'est pas prêt. Il se fait du mal. Et il fait du mal à la cause qu'il défend. Al-aqil la yukhasim bighayri hujja. Tu n'es pas prêt, ne t'avance pas. Aslan, tu n'as même pas à ouvrir leur compte. Tata'ajjab ba'd an-nas, il rapporte des paroles, un tel il a dit, un tel il a cité. Comment, akhil karim, tu as fait pour savoir? C'est que tu le suis. Hada la yanbaghi. Al-aqil la yukhasim bighayri hujja. Wal-aqil kadhalik, il rentre pas dans des choses qui ne le concernent pas. Fais des efforts fil ilm. Un an, deux ans, trois ans, une dizaine d'années, Wallahi alhamd, tu seras capable de répondre aux ambiguïtés des mécréants et aux égarements des innovateurs. Là, qu'ils font un effort, on se précipite, et avant l'effort, on veut déjà rentrer et montrer et répliquer, réfuter. Et ce genre de personnes, même s'ils ont une bonne intention, ils font du mal. قال رحمه الله, et on conclut بهذا. ولا يتكل على المال وإن كان في تمام الحال لأن المال يحل ويرتحل. كذلك من صفات العقلاء أنهم ne s'appuient jamais sur son argent. احذر من هذا. أنا tu as de l'argent, tu te crois en sécurité. لا التوكل c'est على الله. L'argent, demande à Allah سبحانه وتعالى qui mette cet argent dans tes mains, pas dans ton cœur. L'argent comme قال يحل ويرتحل. L'argent, ça rentre, ça sort. Ça vient, ça part. Enfin, ne te repose jamais sur ça. Là, repose-toi et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. قال والعقل يقيم ولا ينزعج ولو أن العقل شجرة لكانت من أحسن الشجر كما أن الصبر لو كان ثمرة لكان من أكرم الثمر أو الثمر. Si العقل, ça serait un arbre. Ibn Hibban rahimahullah قال, ça serait le plus bel arbre. Comme le plus beau des fruits, c'est la patience. قال رحمه الله والذي يزداد به العاقل من نماء عقله والتقرب من أشكاله والتباعد من أضداده. Ça, c'est une des causes principales. Tu veux t'améliorer dans ta foi, dans la science. Même niveau dunya, tu veux être compétent dans un domaine, rapproche-toi de ceux qui font des efforts dans ce domaine. Et écarte-toi à التباعد من أضداده, ceux qui contredisent cette chose. فلهذا, parmi les solutions pour augmenter sa foi, pour apprendre, pour mettre en application, le minimum c'est de vivre avec des croyants. C'est pour ça que ceux qui vivent avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le kafara, ils ont beaucoup de mal à avancer, c'est normal. Tu apprends une chose, tu veux mettre en application et tu es entouré de gens qui combattent cette chose. فلهذا, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de vivre avec al-mu'minin al-uqala. Qala, et on conclut à la fin les dernières phrases, n'am. Qala, walau kana lil'aql abawan lakana ahaduhum al-sabr wal-akhar al-tathabut. Haqiqa, là, c'est la conclusion de tout ce qu'on vient de voir. Si al-aql, il avait deux parents, un d'eux, ça serait la patience, et l'autre, al-tathabut, le fait de vérifier. Vous avez remarqué que beaucoup des points qu'il a cités, c'était lié à la patience, al-tathabut. Al-tathabut, on répète, c'est le fait de vérifier, de ne pas se précipiter. جعلنا الله ممن ركب فيه حسن وجود العقل فسلك بتمام النعم مسلك الخصال التي تقربه إلى بارئه في داري الأمد والأبد إنه الفعال لما يريد. Et ça, c'est une فوائد, le fait d'étudier ce genre de rassage. Anaka, tu espéreras et on espère tous profiter de ce genre de dua. Anahu, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des uqala, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné, cette lumière dans leur cœur, la foi, la science, etc. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadli. Ce premier chapitre, il était assez long. Falihada, on a pris le temps. Wa illa, insha'Allah ta'ala, les prochains cours, on essaiera de faire plus court. والله المستعان نكتفي بهذا والحمد لله.